Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 65. Ils m'ont cherché, ceux qui auparavant ne m'interrogeaient pas. Ils m'ont trouvé, ceux qui ne m'ont pas cherché. J'ai dit, me voici, à une nation qui n'invoquait pas mon nom. J'ai étendu mes mains tout le jour à un peuple incrédule, qui marche dans une voie qui n'est pas bonne, à la suite de ses pensées. C'est un peuple qui me provoque au courroux devant ma face sans cesse, qui immole dans les jardins et sacrifie sur les briques, qui habite dans les sépulcres, qui dorment dans les temples des idoles, qui mangent de la chair de porc et mettent du jus profane dans leurs vases, qui disent « Retire-toi de moi, ne m'approche pas, parce que tu es impur. » Ceux-là seront une fumée dans ma fureur, un feu brûlant tout le jour. Voilà que c'est écrit devant moi, je ne me tairai pas, mais je rendrai, et je verserai dans leur sein vos iniquités, dit le Seigneur, en même temps que les iniquités de vos pères, qui ont sacrifié sur les montagnes et m'ont outragé sur les collines. Et je verserai leurs premières œuvres à égale mesure dans leur sein. Voici ce que dit le Seigneur. De même que si on trouve un grain dans une grappe de raisin, et si on dit ne le perd pas, parce que c'est une bénédiction. De même aussi, je ferai en sorte, à cause de mes serviteurs, que je ne perde pas entièrement tout Israël. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda celui qui possédera mes montagnes. Mes élus hériteront de cette terre, et mes serviteurs y habiteront. Et les campagnes serviront de parc aux troupeaux de menu bétail, et la vallée d'Accor de retraite aux troupeaux de gros bétail, en faveur de ceux de mon peuple qui m'ont recherché. Mais vous, qui avez abandonné le Seigneur, qui avez oublié ma montagne sainte, qui dressez une table à la fortune et y faites des libations, je vous compterai avec le glaive, et vous tomberez dans ce carnage, parce que j'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Vous faisiez le mal à mes yeux, et tout ce que je n'ai pas voulu, vous l'avez choisi. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur Dieu. Voilà que mes serviteurs mangeront, et vous, vous aurez faim. Voilà que mes serviteurs boiront, et vous, vous aurez soif. Voilà que mes serviteurs se réjouiront, et vous, vous serez confus. Voilà que mes serviteurs chanteront des louanges dans l'exultation de leur cœur, et vous, vous jetterez des cris dans la douleur de votre cœur, et dans le brisement de votre esprit vous pousserez des hurlements. Et vous laisserez votre nom à mes serviteurs comme un objet d'imprécation. Et le Seigneur Dieu te détruira, et il appellera ses serviteurs d'un autre nom, dans lequel celui qui est béni sur la terre sera béni dans le Dieu de vérité, et celui qui jure sur la terre jurera par le Dieu de vérité. Parce qu'à l'oubli ont été livrées les premières angoisses, et qu'elles ont été cachées à ma face. Car voici que je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Les choses passées ne seront pas dans la mémoire, et elles ne monteront pas sur le cœur. Mais vous vous réjouirez, vous exulterez à jamais dans les choses que je crée. Parce que voici que je crée Jérusalem, exultation, et son peuple joie. Et j'exulterai en Jérusalem, et je me réjouirai en mon peuple, et on n'y entendra plus la voix du pleur et la voix du cri. Il n'y aura plus là d'enfants de peu de jours et de vieillards qui remplissent ces jours, parce que l'enfant mourra à 100 ans, et que le pécheur de 100 ans sera maudit. Et ils bâtiront des maisons, et ils les habiteront, ils planteront des vignes, et ils en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre habite, ils ne planteront pas pour qu'un autre mange. Car à l'égal des jours de l'arbre seront les jours de mon peuple, et les ouvrages de leurs mains auront une longue durée. Mes élus ne travailleront pas en vain, et ils n'engendreront pas dans le trouble, parce qu'ils sont la race des bénis du Seigneur, et que leurs descendants seront bénis avec eux. Et il arrivera qu'avant qu'ils crient, moi je les exaucerai. Eux parlant encore, j'écouterai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion et le bœuf mangeront la paille, et pour le serpent la poussière sera son pain. Ils ne nuiront point, et ils ne tueront point, sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur.